Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord des Saguenay de Chicoutimi qui ont causé une certaine surprise en faisant les tics de Victoriaville en 4 matchs. Les Saguenayens qui l'ont emporté hier 4-3 contre les Tigres. Dans le match, à noter que Joey Ratel a mené l'attaque des Sags avec une production de 2 buts et une passe. Il y a Nicolas Roy qui a marqué 1 but et a ajouté 2 passes. Et il y a Dimitri Zoukenov qui a très bien fait avec une production de 1 but 3 passes. Les Saguenayens qui vont avoir 10 jours de congé avant de recommencer leur deuxième série. Les Cataractes de Shawinigan et les Foreurs de Val-d'Or se sont livrés un verdict nul de 2-2. Et également, dans ce match, on a noté que Samuel Girard a amassé 2 passes. Et même chose entre les Huskies de Rouyn-Noranda et les Moussettes d'Halifax. La série est maintenant 2-2. Les Moussettes qui l'ont emporté 3-1 dans le quatrième match. Le cinquième match aura lieu vendredi à Halifax. Hier, dans la section entrevue de DanRadioSport.com, on a fait le bilan de la série entre les Hurricanes de Massillage et les Rapides de Delbeau-Messigny avec l'instructeur Luc Fortin. Et même si les Rapides ont gagné le premier match 8-2, Luc Fortin a mentionné que c'était aussi dur que ce qu'ils s'attendaient. On prenait pas cette série-là à légère du tout. Là, Mastoyach avait fini seulement, de mémoire, c'est pas plus que 4 à 5 points derrière nous au troisième rang là, de la Ligue. Là. Donc, c'était pas une série là, qu'on anticipait qu'elle allait être facile. Là. Non. Et dans un deuxième temps, Luc Fortin estime qu'il faut rendre crédit aux Rapides pour cette série. Je te dirais notre jeu d'ensemble. Okay. Je te dirais là, que notre jeu d'équipe, là, notre système de jeu avec notre échec avant, la rapidité de nos jeunes. Prends l'exemple du dernier match hier qu'on a été remporté à Mastoyache. On a eu de la misère, on a vraiment dominé au niveau au chapitre des lancers au filet. Okay. Donc, cette année, ça vient frustrant, mais les gars ont resté focus. Je appellerais ça une game de caractère. On était vraiment dans notre game, là, puis non, je te dirais qu'on est très satisfaits de comment nos jeunes se sont comportés. On sait qu'on va connaître ce soir les adversaires des Rapides, ce soir les Saguenay de Chicoutimi et les Marquis de Jonquière. Le cinquième match aura lieu ce soir. Et Luc Fortin a mentionné qu'il n'a pas de préférence. Dans le club, dans les Jonquières, Chicoutimi, là, on peut le voir présentement. Si tu prends Chicoutimi qui ont terminé avec une fiche impressionnante à la fin de la saison. Puis les Marquis gardent présentement est en train de leur offrir une excellente opposition. C'est rendu au match ultime. Donc, c'est comment choisir. Tu peux pas dire je vais choisir une ou l'autre. Regarde, on s'attend à toute qu'une finale. Okay. Ça, c'est sûr et certain, ça va être une finale là, qui va être chaudement disputée. Mais de là à choisir, par exemple, là, c'est impossible. Okay. Et on va parler maintenant en terminant que le journal Le Quotidien, sur la plume de Louis Potvin, nous apprend ce matin qu'il y aura une annonce officielle faite vendredi, probablement à l'hôtel de ville du secteur de Delbeau pour annoncer le projet de piscine intérieure Aqua Gym qui sera évalué au coût de 13,2 millions. Il y a 8,8 millions qui seront financés par les deux paliers de gouvernement, soit le fédéral et le provincial. La municipalité en fera un règlement d'emprunt également et on va lancer une campagne de financement de 1 million. Donc, le tout va se faire lors d'une conférence de presse. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu avec Marc Griffin et Frédéric Degg de la presse canadienne où on parle évidemment du retour des expos. Dans un deuxième temps, vous pouvez écouter Luc Fortin qui nous parle des Rapides de Delbeau-Messigny. Et une très grosse compétition aura lieu à Saint-Félicien samedi, une compétition de motoneige. Et le responsable François Garrier va nous parler un petit peu de cette compétition. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. La référence du sport, on s'en occupe.